Ma vie. J'évoquais l'impression étrange qui me saisit lorsque je reçois du monde. Afin de ne pas rester dans l'évocation passagère un peu parasite, je vais tenter d'expliciter le phénomène. Quand je suis avec des amis, j'éprouve dans les premiers temps quelques difficultés à me détendre, car je n'ai l'habitude que de ma présence. Au début donc, mes mots sortant avec difficulté, je me contente d'écouter Lolek et Danka qui paraissent, eux, ça n'est fascinant, toujours à leur aise. Je sais cependant qu'ils ne se rendent pas chez moi dans le simple but de prendre l'air ou parce qu'ils n'ont plus rien dans leur frigo. Or, j'ai noté que dans les rapports d'amitié, chacun doit apporter à l'autre, et dans ce but, je commence, après cette période de chauffe, à participer à la conversation. Pour engager le dialogue, j'ai trouvé une astuce. Ma vie étant plutôt réglée et pour cela inintéressante à narrer, je sais bien qu'il ne serait pas justifié, sous peine de provoquer un ennui légitime, d'en faire le récit à quiconque. Dois-je raconter en détail mes allées et venues vers le lieu étrange? Parler de mes expéditions à la carrière? De la crevaison de pneus à plusieurs kilomètres de chez moi en pleine obscurité? Donner des nouvelles de mes courgettes ou de mes poules? Bien que je sois un peu autiste, comme me le dit souvent Aimé pour plaisanter, je ne suis pas pour autant dénué de tout sens commun, et je n'ignore pas que certains sujets de conversation ne doivent pas franchir les frontières du dialogue intérieur. Quelques jours avant la venue de Lolek et Danka, donc, je change de station de radio afin de me tenir au courant des informations, chose que j'évite de faire en temps normal afin de prévenir toute perturbation domestique. Je demande à Aimé de me procurer des journaux. Bien entendu, il se débrouille pour en récupérer tout un tas, en demandant à ses copains, en piochant dans les poubelles, en écrivant aux imprimeurs, ou autre. Dès que j'ai les quotidiens en main, j'en lis l'intégralité. Nouvelles locales, nationales, mondiales, publicité, bulletin météo, horoscope, avis de décès, de naissance, de mariage, potin de stars que je ne connais pas, et même le programme de télévision. J'éclaircis certains détails de l'actualité en posant des questions complémentaires à mon réparateur de vélo préféré. À un moment, des connexions s'établissent. La mécanique, localisée juste sous mes cheveux, se trouve satisfaite de ce qu'elle a engrangé, tout est à sa place. Ainsi, je suis en mesure, pendant le repas, d'orienter la conversation sur des thèmes internationaux, sur la guerre, car parler de la paix se révèle d'un ennui presque parfait, les famines, les meurtres, les changements de gouvernement, les travaux en ville. J'essaie de me passionner pour tous ces sujets, en tâchant d'éviter ceux qui me barbent ou me mettent mal à l'aise. Une conversation s'installe alors entre nous trois. Ce qui est une bonne chose, car une discussion qui naît n'a plus qu'à se laisser vivre. Comme dirait Aimé, quand c'est parti, c'est parti. Nous discutons jusqu'à tard dans la soirée, et le vin aidant, nous rions beaucoup en bavardant encore. Je précise que je ne bois jamais, sauf avec mes amis. À un moment, tandis que Lolek parle et pourrait continuer cette activité des heures durant, les yeux de Danka se ferment à moitié, cependant que sa bouche s'ouvre grandement, comme par un mouvement de balancier. Elle arrive parfois à retenir ses bâillements, au prix de décontractions tremblantes de mâchoire, faisant blanchir ses narines, qui se mettent à palpiter à leur tour, dans un phénomène déclenché par la timidité naturelle des amygdales. Alors, mon ami, à bout de force, met toute son énergie dans un ultime relèvement de paupières, et touche le bras de Lolek en disant d'une petite voix de lit « On ne va pas tarder à rentrer, Lolek ?» Et ils s'en vont. Nous nous embrassons sur le seuil, nous parlons encore quelques minutes, puis j'agite la main dans leur direction pendant qu'ils s'éloignent dans leur automobile. Je lave la vaisselle, j'essuie, je range. Ensuite, je vais faire un tour en vélo, car si je me couche sans avoir éliminé l'alcool de mes veines, je vis le lendemain une journée entre parenthèses, empêchée d'un mal de crâne lancinant. J'aime en outre pédaler après avoir bu du vin. Je vois les lumières comme des étoiles. Je me sens appartenir à la campagne et je roule. Je roule sans jamais ressentir la fatigue. Je suis l'homme fort. Quand l'alcool a cessé de produire ses effets, qui s'est évaporé dans la nature par l'intermédiaire de mes pores, une certaine lassitude s'empare de mes membres et je comprends alors qu'il est temps de rentrer. Il est parfois fort tard, mais je préfère mille fois écourter une nuit et me réveiller exempt de toute poussière alcoolique dans les engrenages du cerveau. Je déteste perdre un jour de ma vie, pas parce que je la crois plus précieuse que celle d'un autre, mais parce que c'est la mienne. Le lendemain de ce repas de fête, je ressens des difficultés à me concentrer à nouveau sur ma vie de solitaire. Je me pose énormément de questions. Je pense. Pourquoi tu as dit ça? Tu aurais dû dire ceci et cela? Quand tu as donné ton avis à propos de ce sujet, tu ne l'as pas vexé? Peut-être qu'il t'en trouvait idiot quand tu as exprimé ton opinion sur ceci. Tu ne veux pas te taire des fois? Ah! Pourquoi cette réflexion t'a-t-elle échappé? Tu te prends pour qui? Et ainsi de suite. Je suis tout le temps en train de ressasser mes paroles, alors qu'il faudrait que je laisse s'envoler. Comme on doit laisser vivre ses enfants? Quant aux nanas, je suis trop papa poule avec mes mots. C'est un gros défaut. Les rares fois où je ne regrette pas mes paroles, j'ai envie de continuer sur ma lancée, de rentrer dans la vie, où l'on voit pendant la journée du monde au travail, le soir au bar ou à la maison, dans les rues. J'ai le désir ardent d'essayer de devenir un homme sympathique, amical, sociable. Je sais pourtant que c'est impossible, qu'il faut faire des choix. J'essaie pour me changer les idées de taper un peu sur du marbre, mais mes pensées demeurent ailleurs, et je m'ennuie sur mon bloc. Et puis, il y a ces fleurs qu'a laissées Danka qui me font penser à mes amis, à la vie de l'extérieur. Il me faut plusieurs jours pour récupérer et retrouver ma vie paisible et ordonnée. Bien sûr, j'en parle parfois à mon ami psychologue, papa adoptif, réparateur de vélos épicier, qui me comprend un peu. Il me conseille alors de ne rien changer à mes habitudes. « Car tout homme a besoin d'avoir des amis, me dit-il. Et bien que ça me trouble, je dois faire des efforts pour continuer à voir Lolek et Danka. Je n'ai d'ailleurs jamais sérieusement envisagé le contraire. C'est le contre-coup, c'est tout. » Cette fois-ci encore, j'ai mis plusieurs jours à me soustraire à la pesanteur de ma vie sociale en miniature. Il m'a fallu bien des efforts pour me remettre la tête sur les épaules et ôter mes semelles de plomb qui, à tout moment, tentaient de me plaquer les pieds sur terre. Le monde extérieur est sournois. Une fois que vous y avez posé un orteil, il fait ce qui est en son pouvoir pour vous culpabiliser de ne pas y rester. Et quand il y a péril en la demeure, comme tout en chacun, je m'évade. Par l'esprit, souvent. Cette fois-ci, incapable à cause d'une faiblesse passagère de me concentrer à nouveau sur ma vie de solitaire, je décide d'introduire de l'inédit dans ma routine. Je prends avec moi une boîte bien hermétique, remplie de fruits et d'œufs durs, ainsi qu'une grande bouteille d'eau et quelques accessoires que je fourre dans mon sac à dos. Puis j'attends que l'obscurité tombe, car je n'ai rien de mieux à faire. La nuit venue, nous sommes le sixième jour de la semaine, je pars jusqu'à la carrière de marbre. Ce soir, mon ami la Lune ne me présentant qu'un quartier bien malingre qui ne réussit que fort peu à entamer l'obscurité de la campagne, j'ai enfourché ma bicyclette au phare puissant. Je pédale très fort, heureux de m'échapper. La puissante lumière et le bruit ronronnant de la dynamo font fuir les petits animaux dans mon faisceau. Les pensées se bousculent encore dans ma tête, si bien que je ne suis pas attentif aux détails du trajet. Je pense au four et je file au moulin, je me languis de ma cohérence chérie. Quand j'arrive sur les lieux, j'ai la fâcheuse impression de venir de fermer mon portail. Tout un pan de ma vie m'a été dérobé, je me jure au retour de me remplir les yeux de ma campagne adorée. Je finis à pied, le vélo à la main, m'éclairant le passage vers la carrière de Louis grâce à ma lampe torche. Demain, il n'y aura personne dans les parages, c'est la journée de repos des travailleurs. Cependant, afin d'éviter toute rencontre imprévue potentiellement perturbante, je me place à plusieurs mètres de l'allée principale, derrière un petit fourré. Ayant repéré un bloc de marbre tendre, je m'en sers d'oreiller et je m'endors profondément sur un lit douillet de gravier, bercé par les bruits de la nature, par l'odeur poussiéreuse du calcaire. Le petit jour a réveillé les oiseaux qui se volent après pour se mettre de bonne humeur et qui, d'un accord tacite, viennent me signifier qu'il est l'heure. Si je ne veux rien manquer de la vie, il faut que je desserre les poings pour profiter avec eux des premières lueurs de l'aube. Comme je suis entièrement d'accord, j'ouvre un œil après l'autre. C'est très beau, une carrière qui se réveille. Je parcours quelques mètres en m'étirant, en montant haut mes genoux, puis, m'asseyant au bord d'un front de taille, les pieds dans le vide, je vole un esprit avec les volatiles, goûtant à sourire le spectacle du marbre qui progressivement cramoisit sous mes yeux. Je déjeune de figues sèches, en buvant de l'eau fraîche à petites gorgées. Repus de béatitude. Quand le rouge du marbre s'est enflammé et que le blanc est devenu tout à fait aveuglant, je me lève de mon poste d'observation, puis je me fais des petites frayeurs en déambulant le long de la crête supérieure du front de taille, qui surplombe un vide d'une trentaine de mètres. Rien ne peut m'arriver, puisque je suis bien. C'est la première fois que je vois autant de marbre en plein jour. C'est d'une beauté époustouflante. Je distingue, entre des blocs informes, de vieux morceaux d'outils rouillés, des fils métalliques de découpe fatigués, abandonnés par des carriers qui ne doivent plus avoir mal aux dents depuis plusieurs décennies. Et je marche sur l'extrémité d'un sol noir et sec qui ne laisse rien présager de la beauté de la pierre qui repose quelques centimètres en dessous. Tout en bas, à côté d'une cabane de chantier, un camion aux roues démesurées se repose en attendant le retour des ouvriers. Je quitte la crête pour descendre observer l'engin de plus près. Face à moi, il semble me fixer nonchalamment de ses deux gros phares fatigués, le mastodonte qu'on ne ménage pas. Des blocs énormes ont été découpés par les machines, puis peinturlurés par les carriers d'écriture vermeille, indiquant la destination, le nom du futur propriétaire. Tandis qu'il me prend des rêves de grandeur, monte en moi une envie de marbre qui a tout d'une fin terrestre. J'ai le désir soudain de posséder tous ces blocs, de les faire un mien, d'imprimer dans chacun un bout de ma personnalité. Dans un élan d'affection, je les enserre, un à un, et le grand soleil qui inonde mon dos n'arrive pas à lutter contre la fraîcheur poussiéreuse du marbre qui a accumulé les tendres rigueurs de la nuit. Quand j'en ai gratifié quelques-uns de mes embrassades artistiques, je continue ma balade dans la carrière. Je suis seul au monde, heureux d'avoir l'immensité de ce spectacle pour moi seul.